façon d'agir en 1830. L'abbé Chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envi lorsque sa destitution le chassa du presbytère. Les deux chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres. Julien, voulant montrer à Verrières ce que c'était qu'un prêtre, alla prendre chez son père une douzaine de planches de sapin qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de M. Chélan. « Je te croyais corrompu par la vanité du monde, » lui disait le vieillard, pleurant de joie. En rentrant, il trouva un valet de M. Valneau en grande livrée qui le cherchait dans toute la ville avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Quelques jours seulement auparavant, il ne songeait qu'au moyen de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Quoique le dîner ne fût indigné que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de monsieur le directeur du dépôt. Julien fut violemment rappelé à son rôle. Ce n'était pas pour rêver et ne rien dire qu'on l'avait invité à dîner en si bonne compagnie. Un fabricant de toiles peintes retiré, membre correspondant de l'Académie de Besançon et de celle d'Uzès, lui adressa la parole, d'un bout de la table à l'autre, pour lui demander si ce que l'on disait généralement de ses progrès étonnants dans l'étude du Nouveau Testament était vrai. Un silence profond s'établit tout à coup. Un Nouveau Testament latin se rencontra, comme par enchantement, dans les mains du savant membre de deux académies. Sur la réponse de Julien, une demi-phrase latine fut lue au hasard. Il récita. Sa mémoire se trouva fidèle, et ce prodige fut admiré avec toute la bruyante énergie de la fin d'un dîner. Julien regardait la figure enluminée des dames. Plusieurs n'étaient pas mal. Il avait distingué la femme du percepteur Beauchanteur. « J'ai honte, en vérité, de parler si longtemps latin devant ces dames, » dit-il en la regardant. « Si Monsieur Rubigneau, c'était le membre des deux académies, a la bonté de lire au hasard une phrase latine, au lieu de répondre en suivant le texte latin, j'essaierai de la traduire impromptu. » Cette seconde épreuve mit le comble à sa gloire. Julien reçut avant de sortir 4 ou 5 invitations à dîner. Julien avait gagné lestement la porte cochère. « Ah, canaille, canaille » s'écria-t-il à voix basse 3 ou 4 fois de suite, en se donnant le plaisir de respirer l'air frais. Il se trouvait tout aristocrate en ce moment, lui qui pendant longtemps avait été tellement choqué du sourire dédaigneux et de la supériorité hautaine qu'il découvrait au fond de toutes les politesses qu'on lui adressait chez M. de Rênal. Il ne put s'empêcher de sentir l'extrême différence. « Oublions même, se disait-il en s'en allant, qu'il s'agit d'argent volé aux pauvres détenus, et encore qu'on empêche de chanter. » Jamais M. de Rênal s'avisa-t-il de dire assez haute le prix de chaque bouteille de vin qu'il leur présente. Et ce M. Valneau, dans l'énumération de ses propriétés, qui revient sans cesse, il ne peut parler de sa maison, de son domaine, etc., si la femme est présente, sans dire « ta maison, ton domaine ». « Quel ensemble !» se disait Julien. Ils me donneraient la moitié de tout ce qu'ils volent, que je ne voudrais pas vivre avec eux. Un beau jour, je me trahirais. Je ne pourrais retenir l'expression du dédain qu'ils m'inspirent. Il fallut cependant, d'après les ordres de Madame de Rênal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode. Bientôt, il ne fut plus question dans Verrières que de voir qui l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme de M. de Rênal ou du directeur de dépôt. En un mot, il raccommodait assez bien sa réputation lorsqu'un matin il fut bien surpris de se sentir réveillé par deux mains qui lui fermaient les yeux. C'était Madame de Rênal, qui avait fait un voyage à la ville et qui, montant les escaliers 4 à 4 et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori qui était du voyage, était parvenue à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux, mais bien court. Madame de Rênal avait disparu quand les enfants arrivèrent avec le lapin qu'ils voulaient montrer à leur ami. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille. Il sentit qu'il aimait ses enfants, qu'il se plaisait à jaser avec eux. Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers, disait-il à madame de Rênal, et lui racontait tous les dîners qu'il avait subis. Vous êtes donc à la mode ? Et elle riait de bon cœur. Le déjeuner fut délicieux. La présence des enfants, quoique gênante en apparence, dans le fait augmentait le bonheur commun. Ces pauvres enfants ne savaient comment témoigner leur joie de revoir Julien. Les domestiques n'avaient pas manqué de leur conter qu'on lui offrait 200 francs de plus pour éduquer les petits Valenod. Au milieu du déjeuner, Stanislas Xavier, encore pâle de sa grande maladie, demanda tout à coup à sa mère combien valait son couvert d'argent et le gobelet dans lequel il buvait. « Pourquoi cela ?»« Je veux les vendre pour en donner le prix à M. Julien, et qu'il ne soit pas dupe en restant avec nous. » Madame de Rênal, folle de joie, couvrait ses enfants de baisers, ce qui ne pouvait guère se faire sans s'appuyer un peu sur Julien. Tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était M. de Rênal. Sa figure sévère et mécontente fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Comme sa femme lui vantait la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves, « Oui, oui, je le sais, il me rend odieux à mes enfants. Il lui est bien aise d'être pour eux 100 fois plus aimable que moi, qui, au fond, suis le maître. Tout tend dans ce siècle à jeter de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France !»